Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, Pastor Johan, the Lord has spoken with me. Amen, Pastor Johan, le Seigneur a parlé avec moi. Now, this past night, immediately I was speaking on radio about what the Lord intends to do in Nakuru. Maintenant, cette nuit passée, immédiatement, j'ai parlé à la radio de ce que le Seigneur a l'intention de faire à Nakuru. At the super glorious grand mega Nakuru revival. Au super glorieux grand méga réveil de Nakuru. And then again I fell asleep and then the Lord spoke with me in the dream again. Et ensuite, à nouveau, je suis tombé dans le sommeil et le Seigneur s'est entretenu avec moi encore. Well, the Lord took me to Nakuru. Ensuite, le Seigneur m'a emmené à Nakuru. The Lord has taken me to Nakuru again. Le Seigneur m'a encore emmené à Nakuru. Immediately, this past night, after I got off air. Immédiatement, cette nuit passée, après que j'ai parlé à la radio. The Lord took me to Nakuru to the field of the meeting again. Le Seigneur m'a emmené à Nakuru dans le champ du rassemblement à nouveau. And I was in the meeting, and while I'm standing at the altar in the meeting. Et j'étais au rassemblement, et pendant que je me tenais debout à l'autel au rassemblement. Something instantly takes place in the meeting. Quelque chose instantanément a pris place au rassemblement. So there is going to be a visitation, an instant visitation. Donc, ça va être une visitation instantanée. In Nakuru. À Nakuru. Again, the Lord took me to the meeting in Nakuru. It's so huge. Encore, le Seigneur m'a emmené au rassemblement de Nakuru. J'ai vu quelque chose d'énorme. This is going to be the biggest meeting ever. I don't know whether anybody can be in any other place. Ça va être le rassemblement le plus grand. Je ne sais pas si quelqu'un peut être à aucune autre place. Other than this place. Autre que cette place. It is so huge, an ocean of people, really an ocean, vast, no end. J'ai vu un océan de gens, un véritable océan, vaste, sans fin. But while I was there, then something instant happened. Mais pendant que j'étais là-bas, alors quelque chose d'instantané est arrivé. Shock, like this instant happened. Choquant, comme ceci, instantané est arrivé. And then by voice he said, in a very short time, instant. It will happen. Et ensuite, par voix, il a dit, en un moment très court, instantanément, ça arrivera. So there's going to be a tremendous visitation. Donc, ça va être une visitation énorme. We are sitting on the verge of a historic visitation coming to the church. Nous sommes assis au bord d'une visitation historique qui vient pour l'Église. Coming to the nations, coming to this nation. Qui vient pour les nations, qui vient pour cette nation, come in the house of the Lord. Qui vient pour la maison du Seigneur. Encore, le Seigneur m'a emmené au rassemblement et j'ai été au rassemblement. Et j'ai vu un vaste océan de gens et je dis, c'est l'endroit où être. Nobody can be at any other place at this hour. Personne ne peut être à aucun autre endroit en cette heure. But while I was there, mais pendant que j'étais là-bas, at the super glorious Grand Mega Nakuru Revival Meeting, au super glorieux Grand Mega Rassemblement de Réveil de Nakuru, then the Lord showed me, I saw myself at the altar. Alors, le Seigneur m'a montré, moi, je me suis vu moi-même à l'autel. When I was standing there and then something instantly takes place, a visitation instantly takes place there. Quand je me tenais debout là-bas, et ensuite, quelque chose instantanément a eu lieu. Une visitation instantanément a eu lieu là-bas. Those who have ears, may the Lord bless you, shalom. Ceux qui ont entendu, puisse le Seigneur vous bénir, shalom.